Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue en particulier chaque frère, chaque soeur. Ninasalimu kwa kipekee kila ndugu na kila dada mjina la Bwana Yesu Kristo. Teswa atiswe hapa utapata pesa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout cœur, nous te disons merci. Merci parce que toi tu as accepté de payer le prix de rachat pour nous. Merci parce que toi tu es mort et tu es ressuscité pour nous accorder la victoire en toutes choses. Ce matin, nous te demandons pardon parce que d'une manière ou d'une autre, nous t'offensons. Nous invitons le sang de Jésus-Christ pour nous purifier. Au nom de Jésus-Christ, regarde les inquiétudes et la peur qui se retrouve dans les jeunes frères qui veulent se lancer dans le mariage. Toi, tu connais leur cœur, tu connais leur état, tu connais leurs besoins, Seigneur. C'est toi qui as l'argent et c'est toi qui as l'or. Au nom de Jésus-Christ, enlève dans leur cœur la peur et mets dans leur cœur la foi et la confiance en toi. Et accorde-leur tout ce qui est nécessaire pour qu'ils se lancent dans ce mariage. Merci Seigneur Jésus. Nous te recommandons ce service. La parole qui sera lue. Sois notre enseignant. Accorde-nous la grâce de comprendre correctement les choses qui sont apportées. Pour notre salut, pour notre bénédiction et pour notre paix. Bénis chaque frère et chaque sœur. Tu connais les problèmes qui nous envahissent comme des hommes. Réponds à chacun de nous selon son désir. Et que chacun de nous se réjouisse parce qu'il a trouvé faveur devant ta présence. Merci Seigneur Jésus. Du début à la fin, sois glorifié. Et bénis la parole qui sera lue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Premier roi au chapitre 12. Wafalme wa kwanza sura ya pili. Dans son verset 26, commençons par là. Mstari wa 12 na 6 tunaanzia pale. Jeroboam dit en son cœur. Jeroboam akasema mumoyo wake. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Ufalme inyezi tena kurudia kunyumba ya Daudi. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, kama hii taifa inaanza tena kurudia ku Yerusalemu ndio kuleta masadaka kwa wa milele, le cœur de ce peuple retournera vers son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Moyo ya hii taifa itarudia kwa bwana wake na kwa Roboam mfalme wa Yuda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Dans 1 Samuel au chapitre 15, dans son verset 24, alors Saul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché et viens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saul, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes de parler sur les erreurs, les fautes que le roi Jéroboam a commises lorsqu'il est il devint roi. Wakati alikuwa mfalme. Tous ceux qui étaient avec moi pendant la semaine, bote barikuwa pamoja nami kati ya juma, nous avons montré que Jéroboam, tulionesha sema Jéroboam, n'avait pas le droit de douter sa royauté. Yeye ashukwe tu na ruhusa ya kushakia bufalme bwake. Ce n'est pas lui qui cherchait la royauté. C'est Dieu qui est venu lui donner la royauté. Il a régné sur les 10 tribus, sur base de la volonté de Dieu. Bien qu'il n'était pas de la famille royale, Dieu lui avait donné cette royauté sur les 10 tribus pour punir la maison de David à cause de Salomon. Yulu ya ile makabila kumi njuu ya kulipiza nyumba ya Daudi ilitenda zambi kwa ajili ya Salomo. Mais regarde comment cet homme a fait. Lakini angalia namna kanyo mtu alifanya. Au lieu de considérer la parole de Dieu, bali ya kuangalia neno la Mungu, il eut peur, akawa na boka, il eut confiance en lui-même, akawa na tumaini ndani yake, il méprisa la parole de Dieu, akazarau neno la Mungu, il ne considéra pas les avertissements de la parole, akuangalia hata yenye maangalisho ya neno, et cela le conduisit à commettre beaucoup d'erreurs, na ile ikamuongoza kutenda makosa mengi, ile ilimpeleka tambari ya wepo ya Bwana. Nous avons montré, tulionyesha, que cette peur qui était née dans Jéroboam, asema iboka ilizalika ndani ya Jéroboam, était une peur infondée, ilikuwa ni boka bwa shomana, imaginaire bwa kufikiri tu, une peur mensongère boka tu bwa bongo, qui n'était pas basée sur la réalité. Ile yo haikukutiwe msingi pa mambo ya kweli. C'était une peur qui venait de ses réflexions et de ses méditations en dehors de la parole de Dieu. Ilikuwa ni boka mwa bungabu natokea kumafikiri yake na kumawazo yake ya bintu yulu ya inje ya neno la Mungu. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté auprès de vous. Njoko maana tulitia mkazo kabisa mbele yenu. Pour vous dire que la peur ne doit pas être une partie de notre vie. Njia kumieleza sema boka apopashi kuwa sehemu ya maisha yetu. Nous ne devons jamais poser des actes. Nous ne devons pas parler sous l'émotion de la peur dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Nous ne devons pas agir par peur, mais nous devons toujours agir avec foi. Nous avons montré que la peur décourage, démoralise, affaiblit les gens, ça tue les gens, ça conduit les gens au péché, ça conduit les gens à la désobéissance de la parole, ça égare les gens. C'est pourquoi il ne faut pas le faire. Nous devons chasser la peur de nos cœurs. Tunapasha kufukuza boka mumioyo yetu. Surtout lorsque nous sommes sur un chemin de devoir. Zaidi wakati tuko munjia ya mapashwa. C'est-à-dire nous accomplissons la volonté de Dieu. Nikusema tukunatimiza mapenzi ya Mungu. Nous devons nous éloigner de cela. Tunapasha kujikwenda mbali na ile. C'est la première des fautes et la plus grande il est que cet homme Jéroboam a fait ule muntu Jéroboam alifanyaka et qu'il a entraîné à d'autres fautes. Na ilimupeleka kwa makosa mengine. Après que Jéroboam kisha Jéroboam eu peur d'être abandonné par Israël. Kuwa na boka ya kuachwa na Israeli. De perdre sa royauté. Ya kupotesha kifalme chao. Et d'être tué. Na kuuawa. Il deuxièmement. Kapiri. Il alla demander conseil. Akaenda kulomba shauri. Aux personnes malhonnêtes. Kubantu bashipokuwa bakunyoloka. Et impies. Na baovu. Un enfant de Dieu toto wa Mungu ne demande pas conseil à n'importe qui. Alombake shauri kwa aizuru nani. Si tu es un chrétien, ukiwa mkristo, Dieu a placé sur toi Mungu aliweka yuru yako baongozi. Il y a un pasteur, kuko pastori. Il y a les anciens, kuko baze. Il y a les diacres, kuko bashimashi. Ces trois offices ici makazi tatu sont placés dans l'église. C'est pour aider le peuple de Dieu à résoudre leurs situations difficiles ou eux-mêmes n'ont pas de réponse. Mule bo benyewe abana na jibu. Les anciens Bazir, et les diacres na bashimashi sont au service de l'église bo, beko natumikia kanisa, pour les éclairer, jia kubaangazia, les assister, kubasaidia, les aider, kubasaidia, les conduire dans tout ce qu'ils veulent faire conformément à la parole de Dieu. Kufuatana na neno la Mungu. Quand vous avez une difficulté, ukiwa na magumu fulani, vous avez une question, na uko na ulipo, vous avez une préoccupation, na uko na hangaiko fulani, vous avez un projet, na uko na voyez les conducteurs voneni que Dieu a établi sur vous, vale Mungu aliweka juu yenu, parce que c'est pour cela qu'ils sont là. Kwa sababu ni njia ile beko hapo. Que vous ayez un problème de couple, mwe na mambo que vous ayez un problème de la santé, mwe na mambo que vous ayez un problème du mariage, mwe na mambo que vous ayez un problème des affaires, mwe na mambo que vous ayez un problème d'un projet, ya projet fulani. Comme tu es un fils de Dieu, mwana wa Mungu. Tu es un fils de Dieu, mwana wa Mungu. Tu es une fille de Dieu, mwana ton mwana. Dieu là que tu crois, Mungu akolo na en qui tu as mis ta confiance, a placé sur vous des bergers pour vous conduire, pour vous bénir, pour vous aider, pour vous conseiller à bien marcher, pour ne pas heurter la conscience et la volonté de Dieu. Toi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu as un problème de couple, tu as un problème dans ta vie, tu as un problème dans tes affaires. Tu abandonnes les serviteurs de Dieu. Tu te replies sur les païens. Tu es faux. Et Dieu ne peut pas honorer les conseils des païens. C'est ainsi que vous vous retrouvez piégé et vous tombez dans le malheur. Quand vous abandonnez la parole, vous abandonnez les gens que Dieu a placés sur vous pour vous conduire, vous allez demander conseil à d'autres personnes qui n'ont pas été mandatées par Dieu, vous méprisez sa parole et vous méprisez ses serviteurs. En allant demander les conseils aux païens qui n'ont pas été établis sur vous pour vous conduire dans les choses de Dieu, premièrement vous méprisez Dieu, vous méprisez sa parole et vous méprisez l'œuvre qu'ils font, les hommes qu'il a placés sur vous. Vous méprisez ses serviteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Vous voyez? Moi, je ne peux pas voir des diacres. Qu'est-ce qu'ils vont me conseiller? J'ai seulement un esprit de mépris. Et tu ne réussiras pas. Vous ne pouvez pas briser la parole de Dieu et espérer vous en sortir, c'est faux. Tu ne peux pas t'en sortir. Je pense que tout le monde comprend. Vous les jeunes filles, vous abandonnez les gens que Dieu a placés sur vous. Vous abandonnez les conseils des parents qui sont conformes à la parole de Dieu. Et vous suivez les conseils de la rue. Vous serez malheureux. Si vous avez un parent païen qui ne connaît pas Dieu, vous devez observer ces conseils. Si je vous donne des conseils qui sont conformes à la parole, faites-les. Mais s'il vous donne un conseil qui n'est pas conforme à la parole, ne le faites pas. N'engagez pas de discussion avec ton papa ou avec ta mère. Taisez-vous, mais toi agisse. Taisez-vous par respect. Voyez, parce que c'est ton papa, c'est ta maman. N'engagez pas une discussion avec lui ou avec elle. Consultez les hommes que Dieu a placés sur vous. Mais regarde. Jéroboam pouvait même aller consulter les prophètes. Il y avait des prophètes. Jéroboam arrivait à sa kuliza ko banabi. Pourquoi banabi? Mais lui, il est allé consulter les gens. Lakini yeye arenda kuuliza kwa bantu. Un impie, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect à l'égard des choses saintes. Ni muntu ule ana na heshima mbele ya bintu takatifu. Il ne connaît pas la valeur des choses saintes. Ashiwe bei ya bintu takatifu. Il méprise les choses saintes. Yeye eko na dharau bintu takatifu. Il méprise la parole. Yeye eko na dharau neno. Un païen ne connaît pas la parole. Mupagano ayui neno. Un païen n'a pas le respect de la parole. Mupagano ana na heshima ya neno. C'est pourquoi vous le dites. La parole dit ceci. Neno nasema hivi. Non. Ah, pana. Il ne connaît pas sa valeur. C'est toi qui es chrétien. Tu connais la valeur de la parole. Et la Bible dit, nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. C'est dans Psaume chapitre 1. Un homme juste ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais Jéroboam, dans sa peur, il n'a ni consulté Dieu, il n'a ni consulté les hommes de Dieu, il est allé consulter les hommes malhonnêtes et les hommes impies. Et les hommes malhonnêtes et les hommes impies lui ont conseillé aussi malhonnêtement et il a fait des choses impies. C'est ça même les difficultés que nous rencontrons avec des frères. La plupart des soi-disant frères ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la parole. Ils veulent qu'on les appelle chrétiens. Mais quand le temps d'agir arrive, ils agissent comme des païens. Il veut se conformer aux pensées païennes. Nous devons arrêter cela. C'est une grande leçon que nous voyons dans le comportement de Jéroboam. Je n'ai pas le temps d'y entrer en profondeur et vous montrer les conséquences. Quand vous laissez la parole, vous allez chez les païens, chez les conseils, des gens qui n'ont jamais été mandatés pour faire ce travail. Vous leur demandez conseil. Dieu ne bénira pas les conseils qu'il vous donne parce que ce conseil-là est contraire à sa volonté. Dieu n'a jamais prévu qu'un chrétien aille avec ses problèmes devant le païen. C'est vrai. Est-ce que l'Église est avec moi? Eti kanisa ko pamoja na mimi. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa. Toi j'aimerais de revoir. Kosa ya tatu. Je revois. Ya Jeroboam. Jeroboam. Jeroboam. Après avoir reçu des conseils des gens malhonnêtes, kisha kupokea mashauri ya bantu baovu, il crée de faux hôtels. Akaleta mazabau ya bongo, anatunga mazabau ya bongo. Propres idoles. Juu ya masanamu yake mwenyewe. Afin d'empêcher Israël. Juu ya kuzuiza Israeli. D'aller à Jérusalem. Enda ku Yerusalema. Adorer l'Éternel. Juu ya kumwabudu wa milele. Quelle grande faute de Jéroboam. Jéroboam s'est dit. Jéroboam a cassé dans son cœur. Mwenyewe mumoe wake. Il s'est dit tribu. Kama tu ima makabila kumi. Continue à monter à Jérusalem adorer. Nianza kuendelea kupanda ku Jérusalem njoo kuabudu. Ils vont m'abandonner. Bateniacha. Je perdrai ma royauté. Mita potesha, bufalme bwangu. Et ils vont me tuer. Na bateniua. Pour qu'ils n'aillent pas adorer l'Éternel, Juba chende kwa budu wa milele, il faut leur créer des faux cultes maibada ya bongo. Pour qu'ils n'aillent pas voir Juba chende kuona la face de l'Éternel. Ue, uso wa milele. Qui lui avait dit cela? Nani alikuelezaje? Est-ce que c'était Dieu? Eti ilikuwa ni Mungu? Non. Apa? Sa père a invité les démons. Voyez, agir contrairement à la volonté de Dieu. Jéroboam crée des faux hôtels. Anatunga mazabao ya bongo. Et il place chaque hôtel. Il place chaque hôtel une idole. Yule ya kila mazabao anaweka kisanamu. Et il dit. Na anasema. Assez longtemps vous êtes parti à Jérusalem adorer. Ah, mashuku mingi mnesha kwenda ku Yerusalemu juu kuabudu. Maintenant je vais vous couper les pieds. Sasa mimi nataka kumikata kumkuru. Je vais vous alléger la tâche. Ah, mimi nitemfanyia kakaji kwetu kiloko. Je vais construire un peu, une petite dénomination à côté de vous. Alors vous n'allez pas souffrir pour aller à Jérusalem, c'est très loin avec des montagnes. Cette pensée de Jéroboam, c'est une pensée satanique qu'on retrouve dans toutes les dénominations religieuses. Regardez ce que Satan fait. Vous remarquerez que même dans cette cité ici, il y a plusieurs stations, chaque dénomination. Les méthodistes, les catholiques, tous ces pentecôtistes. Il y a une petite station, une dénomination où les gens du coin vont adorer. Et les gens acceptent facilement cela. Non, allez adorer en ville, c'est très loin. Si on pouvait nous mettre à Kiwewe et notre tabernacle, on serait prêts. Si on pensait de Jéroboam, que les gens de Kiwewe, quelle est l'église, que les gens là de quartier sport, leur église, les gens de la ville, leur église, les gens de Tafrika, c'est leur église, les gens de quartier mine, leur église. Ce sont des pensées entièrement sataniques qui n'ont rien de Dieu. C'est une inspiration satanique qui conduit les gens à faire cela. C'est pourquoi vous voyez chez les dénominationnels, il y a tant de divisions à volonté. Vous voyez beaucoup quand tout ma katana tout quoi, comment tout on a peint d'aller. Si tel pasteur et son ancien, comment pasteur fulani na ancien waki, ne s'entendent plus. Ah parce qu'ils en ont été. Leur chef vient, il les partage. Il dit maintenant toi tu vas commencer à prier chez toi à la maison, et lui il reste avec l'église, et moi je vous chapeaute. C'est l'esprit du diable. Et tous ces gens ici ne comprennent pas qu'ils sont gérés par Satan. En Israël, il y a toujours eu un seul lieu d'adoration. Et le seul lieu d'adoration, c'est là où Dieu plaçait son nom. Et tout Israël devait y aller pour adorer. Dieu n'avait jamais prévu qu'il y ait un autre lieu d'adoration en Israël. Dans le christianisme, dans chaque ville, dans chaque village, il doit y avoir seulement une seule église. Pas deux, pas trois. Non. Vous voyez, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Dans l'église, dans une ville, dans une cité, il doit y avoir seulement une seule église qui traite avec le véritable Dieu et avec qui Dieu traite. Si Dieu a une communication, si les gens ont besoin du salut, c'est là où ils doivent aller pour rencontrer Dieu. Mais le contraire est satanique. Même si les gens peuvent donner beaucoup de raisons, cela est fou. Si Dieu qui avait placé Jéroboam, il avait vécu avec Salomon. Il connaissait comment les choses étaient en Israël. Mais sous une fausse inspiration, pour empêcher Israël d'aller adorer l'Éternel à Jérusalem, il crée des faux hôtels. Non, frère. Ça ne doit pas être ainsi. Et quatrièmement, Jéroboam, après avoir créé ces faux hôtels sur lesquels il avait placé des idoles, il invente, il crée des sacrificateurs qui n'appartenaient pas à la famille de Lévi. Des sacrificateurs à volonté. Ah, bakouani tout, bakipendaro. Frère. Donc. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait donné. Diaponi, la royauté, c'est une tribu. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est avec moi? Jéroboam. Crée des faux sacrificateurs qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Il prit des sacrificateurs dans chaque tribu selon sa vision qu'il plaça dans ses hôtels pour servir Israël. Des gens sans appel divin. Des gens sans parole. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Tout prédicateur n'est pas prédicateur. Tout le monde qui prêche ne prêche pas la parole de Dieu. Partout où on rassemble les gens, ce n'est pas l'église de Dieu. Les gens ont de la confusion. Dieu est partout. Tout le monde est serviteur. C'est faux. Ces sacrificateurs que Jéroboam place ne venaient pas de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Dieu ne leur avait jamais donné la loi, l'Urim et Thummim. Quand un homme est faux, il va inventer des choses semblables à la réalité. Atanza kutunga bintu bimoya binafanana ako na mambo ya kweli. Ce que vous voyez chez les dénominationnels, kile Mungu naona kubadilika, c'est l'imitation. Ni kufuatirisha. C'est Satan. Ni shetani. Qui imite la vraie église. C'est Satan qui imite Dieu. C'est l'église de Satan qui imite la vraie église. Ce sont les véritables, ce sont les faux serviteurs du diable qui imitent les vrais serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un crée sa dénomination, il doit trouver des gens pour y servir. Et quand ces gens viennent, ils doivent trouver quelque chose pour apporter aux gens. Et si quelqu'un n'a pas la parole, il va apporter ses pensées. Il va apporter ses inspirations. Et quand quelqu'un reçoit les inspirations, loin du véritable Saint-Esprit et loin de la parole de Dieu, il reçoit les inspirations sataniques, diaboliques. C'est ce qui est arrivé avec Jéroboam, avec ses serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, un faux prédicateur peut imiter un vrai prédicateur, mais il ne prêchera jamais la vraie parole, non. Une dénomination peut imiter l'épouse, mais la dénomination ne sera jamais l'épouse. Un faux prophète peut imiter un vrai prophète, mais c'est faux, ne sera jamais un vrai. Le mensonge Bongo ne peut jamais changer en vérité. Les ténèbres Magiza ne peuvent jamais changer en lumière. Quand quelqu'un est faux, il reste faux, il s'enfoncera dans les faux jusqu'à ce qu'il va se crouler. C'est pourquoi vous voyez même dans l'histoire, quand une dénomination se détache derrière un veil, cette dénomination ou ce peuple qui tombe dans l'apostasie ira dans la profondeur de Satan. Il ira de mal en mal. C'est pourquoi vous entendez Frère Branham dire, aucune dénomination ne s'est jamais relevée. Quand un homme se détache de la lumière, Mutu akiachana na nuru, un homme se détache de la vérité, Mutu anachana na ukweli, il ira derrière en derrière, ataanza kwenda mkosa kutoka mkosa mwingine, kufika na kukuangukiriria yote, il ne peut pas revenir à la raison. Hawezi kama kurudia kwa chini juu ya nini? Il est maintenant sababu, sous l'inspiration et la conduite de l'ennemi. Ya adui. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Il y a les profondeurs de Dieu Mungu, et il y a les profondeurs de Satan. Na maupana ya Shetani. Quand vous détachez de Dieu, na Mungu, vous irez de profondeur en profondeur kwenda mufana, dans les ténèbres. Quand vous restez attaché à Dieu, vous irez aussi de profondeur en profondeur dans la lumière. Mufana ingine, ndani ya nuru. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Il créa des faux sacrificateurs. Akatunga bakuani babongo. Qui n'appartenaient pas à la famille de Lévi. Bale abakukuye mu jamaa ya Lévi. Jéroboam regardait seulement dans chaque tribu des gens qui lui étaient favorables. Bale bantu walikuwa tubeona mpendeza. des gens Bantu. Qui avaient sa vision Barikuwa na namna yake ya kuona. Dans chaque situation qui arrive, Mukila mambo inafikaka. Il y a toujours des flatteurs et des fausses gens. Unekalaka paka bantu, bakubembelesha, c'est pourquoi vous remarquerez, na mutavumbula. Dans chaque division, asema il y a toujours des gens Unekalaka paka bantu, qui vont là-bas. Bale banendaka mo. Même si aujourd'hui, ata leo. Toi seul, tu commençais seulement à dire, je suis devenu prophète. Tu payes un gros tam-tam. Tu achètes quelques bâches. Chaque soir et chaque matin, tu passes votre tam-tam. Vous serez toujours des gens. Même si tu commençais à dire, je suis devenu Dieu, il y aura toujours des gens qui croyons que tu es Dieu. C'est ça l'homme, c'est ça l'homme inconverti. Mais c'est Dieu qui lui avait donné la royauté. Mais regarde son comportement. Dieu lui donne la royauté, mais il veut régner par Satan. Et il oublie toutes les voies de l'Éternel. Il oublie Dieu, il oublie ses sacrificateurs, il oublie son nom, il oublie ses serviteurs, il oublie même les lieux d'adoration. Il fait des choses parallèles au vrai pour empêcher les véritables croyants d'aller monter à Jérusalem. Non, frère. Non, ma soeur. Et dans sa folie, il invente même une fête au 15e jour na du 8e mois ya 8e mois qui était semblable à une fête qu'on célébrait en Juda. Yenye kufanana na fête moi ile mbaraza la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Il vient et dit anakuja tu asi. Je sais, ça fait longtemps. Vous alliez à Jérusalem. Il y a des fêtes de l'Éternel. Il choisit son propre jour. Qui n'était même pas conforme à la volonté de Dieu. Il dit maintenant, le 15e jour du 8e mois, on va maintenant faire la fête des tabernacles. Et pourtant la fête de tabernacle se faisait au 7e mois. Mais il donne une fête qui est semblable à la fête qui s'est célébrée en Juda, à Jérusalem, pour embrouiller les gens, afin de retenir le peuple d'Israël derrière lui. Quelle bêtise. Frère, ma soeur, chacun de nous doit comprendre que nous avons une âme qui a coûté le sang de Dieu lui-même, la vie de Dieu lui-même. Un chrétien ne dit pas oui à n'importe quoi. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est quelqu'un qui te nourrit, qui te vêtit, qui te donne l'argent, qui te dit des choses. Ou que qui te dit de faire des choses contre la parole de Dieu, ne l'accepte pas. Ne le faites pas. Et les gens se consolaient. Et disent oui. Vous avez votre fête, votre fête du tabernacle. Votre fête. Eh, mon fête, il y a quoi? Il y a une fête, il y a un tabernacle. Ces gens. Bah les bantu. qui sont restés avec Roboam. Les 10 tribus se disaient, là en Juda, vous avez votre fête, ce que vous célébrez au 7e mois de Tammuz. Mais nous aussi, nous ne viendrons pas à votre fête, nous attendons notre fête au mois d'août. Nous allons célébrer notre fête. Vous voyez ce que Satan fait. Et des choses comme ça, ça c'est plein dans les dénominations. Les imitations sont pleines dans les dénominations. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne vois pas quelque chose dans le message dans la Bible, n'y mettez pas votre main. N'appuyez pas de telles bêtises. N'appuyez jamais une chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ne le faites pas. Vous voyez, nous et les dénominationnels, nous ne sommes pas les mêmes. Si dans votre cœur vous pensez que nous sommes comme les dénominations, tu es malade, tu n'as jamais dit. Cette église, elle est l'unique ici à Kambou. Nous, nous sommes un peuple particulier. Nous sommes un peuple mis à part. Dieu nous a séparés comme il a fait avec Israël dans la chair. Avec toutes les dénominations. Pour que nous soyons un peuple qui lui appartient. Et doivent nous imiter. Nous nous faisons quelque chose et nous imitent le correct. Mais nous ne pouvons pas les imiter. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Nous, nous pouvons les inviter à venir ici écouter la parole, parce que c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons la parole. Mais ne peuvent pas nous inviter pour aller écouter les mensonges. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne comprennent pas ça. Oh, le voisin m'a dit, vous devez seulement nous inviter, venez faire une fois chez nous, écoutez aussi. Vous ne comprenez rien. Nous nous sommes sortis de là, nous connaissons ce qu'il y a. C'est à eux de venir vers nous, pas à nous d'aller vers eux. Parce que c'est nous qui avons Dieu. Vous pensez que le prophète, comme Aïa, pouvait quitter Juda pour aller adorer sur les autels de Jéroboam. Non. Pouvez-vous imaginer un véritable serviteur, un véritable sacrificateur, quitte Judas, il quitte Jérusalem, il abandonne l'acte de l'Éternel, il abandonne Dieu, il va sacrifier sur les autels de Jéroboam. Vous voulez seulement nous instruire ça aujourd'hui. Si ce n'était pas faisable à ce temps-là, et aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Mais pour embrouiller le peuple, il ne fait que les inventions, il fait des inventions, des imitations. Vous voyez, au 8e mois, au 15e jour, il fait sa fête. Vous voyez bien mes frères. Et il continue dans ses erreurs. Parce que dans la vie, frère, quand tu commences, vous voyez, quand vous pensez comme ça, quand tu fais un pas, je suis ici. Ni quoi? Si je fais un pas, kama mimi nafanya hatua moja pembeni, tu vois la distance? Unaona kai distance atanisho bulefu? Je ne peux plus aller dans cette direction. Mimi sitaenda tena moja na moja. Si je fais un pas, je m'éloigne de la. Nikiongeze tena mimi naanza tena kwenda mbali. Quand vous commencez la déviation, kama unaanza kwenda pembeni, la déviation kwenda pembeni, ne commence pas à kwanzake, à grand pas, na no. Kiatua kinene, la déviation commence même à demi pas, kwenda pembeni kunataka na kakipande ya hatua. Au fur et à mesure que vous allez, kama unaanza tena kuendelea, vous vous éloignez davantage, unaanza kuachana na Mungu. Regardez, angalieni. Jéroboam, après avoir inventé les sacrificateurs, il crée ses autels, il crée ses sacrificateurs, il crée sa fête, il s'est fait lui-même sacrificateur. Lui, il était roi, il s'est fait encore sacrificateur. Oh, frère de sacrifice sur ces hôtels. Na ananza na kutoa masadaka pa mazabao yake. Un homme fou. Muntu wa bongo, mubaya. Écartera toujours de son chemin. Atanza kuendesha mbari ya njia. Il écartera de son chemin. Atanza kuendesha mbari ya tous les véritables serviteurs. Batumishi bote ba Mungu. Un faux croyant, mwaminifu wa bongo, écartera dans sa vie, ataanza kuendesha mbali et dans tout ce qu'il fait, tous les véritables serviteurs qui pouvaient l'aider. Bote ba byakweli bali barezu msaidia. Jéroboam est devenu orgueilleux. Jéroboam a quoi na kibu? Il a oublié même la source de sa royauté. Akasabu ata yenyewe chemchemu ya ufalme wake. Il écarte les véritables sacrificateurs. Anaendesha mbali makuhani babia kweli. Il crée son adoration. Anaanza maubiri kuabudu kwake kwa biabongo. Il installe lui-même. Na yeye mwenyewe anaweka. Et choisit ses sacrificateurs à volonté. Frère, kufatana na mapenzi yake. Ma soeur, ce que Jéroboam a fait ici, c'est ce que fait tous les faux prédicateurs. Jokile ba mubiri ba byabongo bo ba pastori bote ba byabongo. Il ne considère pas Dieu. Il ne considère pas la parole. Dans ce qu'ils font. Des faux croyants ne considèrent pas la parole, ne considèrent pas Dieu, ne considèrent pas les serviteurs de Dieu dans ce qu'ils font. La présence des hommes de Dieu véritables les ennuie. La véritable parole qui sort de la bouche des hommes que Dieu lui-même a mandaté, c'est la nuit, c'est la dérange. Les faux croyants. Quand vous ne supportez pas les hommes de Dieu, il y a quelque chose de faux avec vous. Quand vous n'acceptez pas et vous ne supportez pas les conseils des hommes de Dieu, il y a quelque chose de faux dans votre cœur. Regardez Jéroboam, regardez ce qu'il fait. Je pense que l'église est avec moi. Je m'abstiens de faire beaucoup de commentaires à ce sujet pour entrer dans la vie active. Parce que ce que Jéroboam fait ici, c'est la vie de tous les gens. Dans son orgueil, il écarte de véritables serviteurs. Dans son orgueil, il s'installe lui-même sacrificateur, roi sacrificateur. Il est devenu roi sacrificateur. Il est distribué. Dans son orgueil, il prend l'argent du royaume. Il installe, à côté de ses hôtels. ces faux sacrificateurs. Il les nourrit. Vous voyez, il les vêtit. Il construit des maisons pour qu'ils servent les idoles à côté de ces faux autels qu'il avait créés. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable croyant, ne peut pas abandonner Dieu pour l'argent ou pour un intérêt matériel, non. Il installe ses sacrificateurs. Il leur fixe un salaire. Il construit de belles maisons. Il s'occupe d'eux. Il leur donne à manger. Pour servir les idoles. À aucun cas, un véritable serviteur de Dieu n'a servi les idoles pour l'argent, pour la popularité ou pour les intérêts matériels quelconques. Non, aucun serviteur de Dieu n'a jamais appuyé une fausse inspiration, une fausse chose, une fausse doctrine, un faux culte, une division ou une pensée charnelle. Aucun véritable serviteur, aucun véritable chrétien, aucun véritable enfant de Dieu ne peut à aucun cas s'y appuyer une division, une pensée charnelle, un faux culte, une fausse non, bien-aimés frères. Regardez dans 1er roi, au chapitre 12, là où nous avons lu. Frère, ma soeur, n'appuyez jamais quelque chose de faux. Regardez au verset 28. Après avoir demandé conseil, les rois fit des veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel mépris, quel blasphème. Est-ce que ce sont ces veaux d'or qui sont allés en Israël et qui sont allés en Égypte pour sortir d'Israël? Vous voyez, frère, ça c'est un mépris. C'est un mépris. Comment il pouvait égaler l'Éternel avec ses deux idoles? Regardez le comportement de Jéroboam. Il n'a jamais considéré le conseil et l'avertissement du prophète Ahia de Silo. Il lui avait demandé de rester fidèle à l'Éternel pour que son royaume soit consolidé. Il voulait que son royaume soit consolidé en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez, il fait exactement le contraire de ce que le prophète lui avait conseillé. Quand Quand le prophète est venu pour lui dire que tu seras établi roi, tu les dis tribus. Wakati nabii alikuja ndio kumuuliza sema wewe utakuwa mfalme yule ya ile makabila kumi. Si tu veux. Asema ukitaka. Que ton royaume soit fortifié. Mfalme wako tiwe nguvu. Reste fidèle. Bakia mwaminifu. À l'Éternel. Kwa milele. Et sois obéissant à ses commandements. Mutiifu kwa maana ya Jeroboam. Na wakati anaanza. Il veut la consolidation de son royaume. Il fait le contraire. Yakini Mungu alimuelezea. Il devient fidèle. Anakuwa anakosa mwaminifu. Désobéissant. Na anakuwa désobéissant à la parole de Dieu. Neno la Mungu. Quand vous lisez la Bible. Ukisoma Biblia. Il fonda presque 22 sanctuaires. Alitunga kadiri ya maekalu makumi mbiri na mbili. Avec les deux autres ici, les plus grands. L'un qu'il plaça au nord. Aliweka dans le territoire de Dan. Et il place l'autre au sud. Na huyu mwingine ku kaskazini. À Bethel. Pour retenir les gens dans le faux. Njoo kubakilisha bantu babakepa mjabungu. Il fait toutes ces choses contrairement à la parole de Dieu. Alifanya vitu vyote kinyume ya neno ya Mungu. Alors les gens, sasa bantu, au lieu de monter à Jérusalem, bari ya kwenda kwa, c'est très loin. Je vais adorer ici tout près. Ninangu mtenda kuabudu paka hapa karibu. Comment un frère, namna kanindu, au lieu de venir ici écouter la parole, il dit non, passez. J'étais fatigué. Nilichoka. Je suis entré d'abord. Mimi ningia ko tu mbele. Je suis entré dans cet tabernacle. Niringia kumuita tabernacle hapa. De kiwewe. Ya mkiwewe. Vous êtes malade. Kuku mgonjwa. Comment j'ai trouvé que là, sur la route Likasi, c'est loin. Alors, j'ai dit aujourd'hui, je vais d'abord adorer ici. Vous avez les mêmes faux esprits que les esprits qui ont hanté les 10 tribus d'Israël. Mais c'est qui est drôle, frère. Lakini kia kushangaisha ndo. La majorité ba mingi du peuple d'Israël. Katikati ya taifa hili. Était derrière. Ilikuwa nyuma. Était derrière Jéroboam. Ya Jéroboam. C'est ainsi que Jéroboam. Ndio hivi Jéroboam. Les entraîna tous dans l'idolâtrie. Wote mkuabudu sanamu. Frère. Donc ce qui est drôle. Kenye kwa tu kia kushangaisha. Parmi les 10 tribus ici, la majorité, la majorité du peuple, ya taifa, suivi Jéroboam, barifuata Jéroboam, dans ses folies, majimu yake, et Jéroboam, les entraîna dans le péché d'idolâtrie. Ah, mule mzambi ya kuabudu sanamu. Ce culte répugna devant Dieu. Il est ibada ya bunia mbele ya Mungu. Ce culte répugna devant Dieu. Il est ibada ya bunia mbele ya Mungu. Fut célébré même après hata akisha le départ de Jéroboam. Kwenda kwa Jéroboam. Fut célébré par les successeurs. Ils ont continué sur cette lancée jusqu'à l'écroulement total du royaume d'Israël. Quand vous lisez l'histoire, vous lisez la Bible, vous remarquerez que même les rois qui ont succédé à Jéroboam ne se sont pas écartés. Ils ont continué dans cette idolâtrie jusqu'à ce que Dieu a résolu de vomir complètement Israël. Il y a quoi Israël, kabisa kabisa. C'est ce que nous voyons. Je vous ai toujours dit dans cette église, que même ici, Atap, les 95% des gens sont des faux chrétiens. Ma batisa biyuli akumi ni abana ni bakristo babongo. Les 95% de nos croyants sont des faux chrétiens. Babantu bamia mbantu kumi tisa na mtano ni bakristo babongo. Nous les remarquons. Tunonaka. Les faux chrétiens ne respectent pas la parole. Regardez, combien de fois Dieu de cette chair. Marangapi yulu ya hii mimba. Nous-mêmes en tant que berger. Shibe nyewe kama mbachunga. L'ancien, les anciens. Baze. Les prédicateurs. Baubi. et les prédicateurs étrangers, les diacres, ont toujours condamné la haine, les calomnies, la médisance, la colère. Kushimangana, makari, quand vous communiez avec les gens, sasa, angara wakati mungu nashiriki na bantu, vous trouverez que 99,9% des gens Il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Quand on regarde les croyants en face, il suffit seulement qu'un frère ou une sœur débite une fausse pensée qui n'est pas conforme ni à la Bible ni au message, vous retrouverez que, vous constaterez que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont pris cette pensée-là. Satan est à l'œuvre. Tu vois, quand les gens augmentent, il y a beaucoup de fausses gens aussi qui viennent s'attacher au corps de l'église. Ya kanisa. Et le petit nombre de croyants là na ine est étouffé. Si vous avez 100 membres, kama muko na ba memba, il n'y a que 4 qui sont de vrais, ou 5 qui sont de vrais. Ni ba les 95 sont de faux. Vous voyez que les 95 ont la prédominance dans l'église. Les cinq ne se font pas sentir. Mais comment ces gens? Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu d'abord les œuvres que Dieu avait accomplies en Israël. Ils ont vu comment les Égyptiens étaient frappés. Ils ont vu comment Dieu, d'une manière surnaturelle, a frappé la mer rouge. Il s'est partagé en deux. Ils sont passés à pied sec. Ils ont vu comment ils ont vu. Barione, de leurs yeux, yabu, la colonne de feu de Baal, ils l'ont entendu de leurs propres oreilles la voix de l'Éternel. Ils ont vu barione, et ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Maana, ils ont vu l'eau du rocher. Ma barikunya maji, ya ils sont arrivés, ils sont arrivés dans le désert, et ils étaient opposés à Moïse. Ils ont Moïse. Vu barione, la terre s'ouvrir, elle s'engloutit. Ils sont arrivés au Jourdain. Ils ont vu quand les sacrificateurs ont touché les bords du Jourdain et comment les étaient partagés. Ils ont vu toutes ces choses-là. Dieu du ciel leur a partagé l'héritage. Mais les gens ont établi des idoles et des fausses hôtels. Et il vient leur dire, non, non, le veau d'or ici, Israël accepte cela. C'est ça même la sorcellerie. Si ces gens qui ont entendu, ils ont vu, ils ont vécu Dieu dans la chair, ils arrivent à faire de tels actes. Quand est-il de toi qui n'a ni entendu la voix de Dieu, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais senti dans son corps la puissance du Saint-Esprit? C'est pourquoi beaucoup de gens tombent. Un culte répugnant. Bibada ya bunya. Pour seulement éclairer le cœur de Dieu. Jutu ya kuhuzunisha, kuhulumiza moyo ya Mungu. Je sais même répandre pourquoi il avait donné le royaume. Les dix tribus. Dieu a recaburia rubu jerubuami le makumi na makumi makabila kumi. Israël est allé de l'idolâtrie en idolâtrie. L'idolâtrie s'est installée. De telle manière qu'Israël ne pouvait plus se relever. Israël a coupé la nana mna kushimama. Et vous savez, frère, que l'idolâtrie installée en Israël par Jéroboam est l'une des causes de la déportation, de la déportation de cette tribu à la Syrie. Quand vous prenez deuxième roi au chapitre 17, cette idolâtrie, c'est l'une des causes de la déportation des 10 tribus en Assyrie. Ouais. Dans son verset 16, deuxième roi chapitre 17 verset 16. Commençons au verset 12 pour un peu aller plus loin. Il servit les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël. Et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de mauvaises voies, revenez de mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Le verset 14. Mais ils n'écoutèrent point. Ils redirent leur coup comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ce loi, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent même que néant après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'assemblée des cieux et ils servirent Baal. Regardez ce que j'ai dit. Continuez avec cela. Quand ils ont fait cela, Dieu a résolu de les châtier. Frère, avant de les châtier, l'idolâtrie, ce faux culte qui était établi, qui s'était établi en Israël, avait complètement affaibli Israël. Et pourtant Israël était un peuple uni et fort. L'idolâtrie, les faux cultes divisent toujours les gens, affaiblit toujours les gens. La division affaiblit les gens. La division affaiblit l'église. Les faux cultes, les fausses inspirations, vous voyez, les fausses doctrines affaiblissent l'église et divisent les gens. Frère, l'idolâtrie amène toujours la chute. de la bonne religion. Ya ibada ya dini ya amene l'immoralité parmi les gens. Na inaleta ka ukosefu wa heshima ya kuishi katikati ya watu. Ce qui est arrivé. Donc il kilifika. Avec Jéroboam et Israël. Na Jéroboam na Israeli. Ils sont allés de mal en mal. Baraza kwenda mbaya mwingine. Ils sont devenus pires. Barikuya babaya zaidi. Ils ont rejeté la bonne religion. Baritupa dini ya biakwe. La religion du Saint-Esprit. Dini ya Rome takatifu. La religion de Jehovah. Dini ya Jehovah. La religion de la sainteté. Dini ya utakatifu. La religion de la crainte de Dieu. Dini ya ukongo. Ils ont rejeté cela. Baritupa ile au détriment de l'idolâtrie. Tutu ya kufurahisha. Et cela les avait plongés totalement dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, dans les règlements de comptes, dans les tueries, dans les divisions, dans la haine. C'est ce qui arrive à un peuple qui abandonne Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Regardez dans leur apostasie. Angarieni mukukatala kwabo kwa neno. Le peuple refusa même de se repentir. Naifa, il katala ta kutubu. Il persista dans cette attitude impie. Mwile hali ya kivya ya kivya. Malgré les avertissements de Dieu. Aiduru ataya makalamusha. Dieu a commencé à envoyer ses prophètes. Tous les avertis. Mais malheureusement, Israël avait une goût de l'idolâtrie, de l'immoralité, du péché, de telle manière qui ne prêtait plus oreille à tout ce que Dieu leur disait. Si aujourd'hui les gens nous respectent, frère, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Osons seulement une fois, ici au Cambodge Tabernacle, d'échanger notre évangile. Je vous dis, tous les démons du monde, tous les démons de Cambodge, seront ici. Osons seulement d'échanger notre langage. Tous les démons de Cambodge du monde entreront ici et feront libre cours. Frère, nous avons intérêt à garder la parole de Dieu pure. Tu vois cette vie que vous avez là, que les gens apprécient, c'est à cause de la parole que vous gardez encore, que tu gardes. Osez seulement, vous abandonnez la parole, vous quittez l'église, vous n'écoutez plus cette même voix qui vous avertit chaque fois ici au tabernacle. Vous serez pire qu'une prostituée. Aujourd'hui tu as de la crainte, même pour t'habiller, c'est à cause de la parole. Quand tu veux t'habiller, tu veux t'habiller mal, alors tu dis non, ça, je refuse. Vous voyez, mais osez seulement. Regardez les frères et les sœurs qui sont, ils sont plus au milieu de nous. Regardez-les. Regardez la légèreté qu'ils sont dans leur foyer, dans leur vie, dans leur comportement. Ceux qui nous gardent dans la crainte, dans la pureté, c'est la présence de Dieu à travers la parole qui est apportée. Car vous vous éloignez de la parole du Saint-Esprit, vous allez pourrir. Tu vas te corrompre. C'est la parole qui est le ciel et le sel qui vous garde propre. Le sel vous garde contre les mouches. Quand les mouches arrivent, les mouches corrompent la viande. C'est C'est vrai, frère. Mais quand il y a du sel, quand la mouche vient, elle sent le sel. C'est comme ça que les démons viennent. Ils viennent ici, ils tentent un peu, ils trouvent le sel. Vous voyez, les démons fuient. Vous essayez avec vos maquillages. Alors, vous trouvez le sel. Les jours là, on parle. Le Saint-Esprit condamne de la maquillage. Où m'a pendant le maquillage? Ici, on n'aime pas le maquillage. C'est fini? Tu t'habilles mal, le diable t'a perdu. Ah, c'est le sel, hein? Ici, nous ne nous habillons pas comme ça. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des méthodistes. Ici chez nous, nous ne sommes pas libres. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes les esclaves de la parole. Nous ne voulons pas le monde et la parole. Non. Nous ne voulons pas le monde et Dieu. Non. Nous voulons seulement Dieu. Nous voulons la parole. Nous voulons la sainteté. Nous voulons la crainte de Dieu. Mais regardez ce que Jéroboam a fait. N'abandonnez pas la parole. Maintenant Israël, trouvez difficile demander à Jérusalem pour adorer l'Éternel, il se plaisait dans les idoles et dans les faux sacrificateurs qui étaient établis autour d'eux, qui les corrompaient avec des faux enseignements. C'est vrai, frère. Les faux enseignements viennent des faux sacrificateurs. Jéroboam, faux sacrificateur, il place des faux sacrificateurs, vous voyez, et les faux sacrificateurs enseignent des fausses paroles, une fausse loi, et la fausse loi corrompt toute l'église, tout le royaume. Quand les gens sont dans la corruption, ils sont dans l'apostasie, ils ne prêtent plus oreille à la vraie parole de Dieu. Voilà ce qu'a fait Jéroboam. Dans 1er roi, au chapitre 12, dans le verset 29, il plaça l'un des veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs qu'il prit parmi tous les peuples qui n'appartenaient pas au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête que se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifia au vœu qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Moi qui l'avais choisi de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël et il sacrifia sur l'autel pour brûler des parfums. Et Dieu ne pouvait pas supporter cela. Dieu lui envoya un prophète, un homme de Dieu. Mais regardez dans le verset, dans le chapitre 13, vous verrez le comportement de Jéroboam. Frère, quand quelqu'un embrasse une fausse voie, il est très têtu. Les gens de la fausse doctrine sont très têtus. Quand quelqu'un a un faux esprit, il embrasse une fausse doctrine, il s'étreint dessus. Ce n'est pas lui, ce sont les démons qui le conduisent, qui deviennent têtus. Regardez les gens qui croient que Branham est Dieu. Frère, ils sont très têtus. Hein? Même si vous lisez, noir sur blanc, ce que Branham a dit, lui-même, il est mon Dieu. Je suis sauvé par le sang de Branham. Ici, c'est l'humilité. Frère Branham disait ça, Branham, c'est l'humilité. Même quand il dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Lui, non, c'est l'humilité. Mon sauveur, c'est Branham. Allez voir ces gens qui croient au tonnerre révélé. Allez voir les gens qui croient à Yeshua Mashiach. Voyez les gens qui croient à la polygamie. Ce sont des gens arrogants. Les gens de la fausse doctrine sont très arrogants, très orgueilleux. C'est un signe qui apparaît dans quelqu'un qui s'est déjà écarté de la présence de Dieu. Il n'a plus l'humilité dans son cœur. Dans sa vie, il est plus humble. Moi. Il méprise les autres. L'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Gardez la parole. Elle vous tiendra éloigné de toute forme d'idolâtrie. Quand vous tombez dans l'idolâtrie, dans les fausses doctrines, c'est fini, mon frère. Vous n'écouterez plus, c'est les autres qui ne vous aiment pas, c'est les autres qui ne vous comprennent pas, vous aurez trop d'arguments, trop de réflexions qui viennent de Satan. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Un homme à qui Dieu avait donné 10 tribus, regarde comment il se comporte. C'est pourquoi nous aussi, chrétiens, restons dans l'humilité, dans la parole. Cessons l'orgueil. Toi et moi, nous ne sommes pas plus meilleurs que Jéroboam. Quand vous prenez Roi, chapitre 3, chapitre 13, chapitre 14, 15, jusqu'à 18, vous verrez comment Dieu a tenté de ramener le peuple de Dieu, Israël, à la raison. Parce qu'en son sein, il y avait la moins des gens honnêtes. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Comme nous l'avons entendu, avec le serviteur Mungu, Dieu épargne toujours les gens sincères. Il y a des gens dans l'église. Parce que Satan fait, le cœur est attaché à Dieu. Ils sont attachés à la vérité. Ils connaissent le Saint-Esprit. Ils connaissent l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ne peuvent à aucun cas appuyer les mensonges. C'est vrai, frère. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé d'arrêter. Nous allons continuer. Frère, il y a beaucoup de choses ici. Quand vous commencez un faux culte, vous commencez avec une fausse inspiration. La fausse inspiration te conduira de faute en faute, d'erreur en erreur. Vous voyez, jusqu'à ce que vous allez vous écrouler. Voyez bien, mes frères. Ouais, même c'est les procédures que vous voyez sur la rue. Elles ne sont pas nées prostituées. Elles sont nées vierges. Elles ont commencé à se corrompre par un seul acte. Ils ont commis une seule fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est devenu une vie. Il l'a caché, il a caché, et c'est devenu maintenant public. Quand vous commencez avec un mensonge, va entraîner un autre mensonge. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu vas te retrouver en plein milieu, il devient maintenant un grand menteur. Yani kabisa, une grande menteuse. Même les vols. Commence petit à petit. Et vous retrouvez quelqu'un, il devient un bandit. Il avait commencé par voler les sucres. Il volait les sucres dans la maison de son père. Il volait les 5, les 200, les 200 et les 100 francs pour payer les biscuits. C'est comme ça, petit à petit, il volait les biscuits, il achetait les bonbons, 200 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, vous voyez, non, 2000 francs, 2000 francs, 5000 francs, 10000 francs, 10000, et ainsi de suite. Il devient un grand voleur, un bandit de grand chemin. Restez là où Dieu te place. Avant d'agir, posez-vous toujours la question de savoir dans ce que je vais faire. Que dit la parole de Dieu? Quelle est la volonté dans ce que je fais? Si vous ne tenez pas compte de la parole et de la volonté de Dieu, vous allez commettre l'erreur et vous allez vous corrompre. Les fausses inspirations sont partout. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous compris? Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Lève-nous pour la prière. Que mon cœur yanda umbari wanayo. Yesu imu kungi la pano, emu kandebu kondame.